encore de la place, hein. Ouais, viendez. Mais viendez, plus on est, plus on est chaud. C'est quoi maintenant? C'est quoi, peine sardine? Peine sardine. La grève, ça marche! Oui, plein! La grève! Mais fier! La grève! L'accordéon, il est où? On répète qu'une fois la phrase, j'ai sorti. Deux fois. On a perdu un peu de plume. Allez, vite, on commence. Allez, sardine. Allez, rapprochez-vous, on va les emmener en Bretagne aujourd'hui. Les cornilles et les chanteuses frissonnent, le bruit de leurs pas dans la rue résonne. Et les cornilles et les chanteuses frissonnent, le bruit de leurs pas dans la rue résonne. Écoutez le bruit d'un sabot, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit d'un sabot, voilà qu'arrivent les peines sardines. Encore gamine, mais déjà pourtant elles vont à l'usine. À 10 ou 12 ans, c'est encore sabot. Écoutez le bruit de leur sabot. Voilà la journée, c'est sabot. On attend que les bruits de leur sabot. Du matin au soir, nettoie les sardines. Et puis les confits dans de grandes bassines. Du matin au soir, nettoie leur sabot. On attend que les bruits de leur sabot. Écoutez-le dans sa voix, voilà les ouvrières d'usine. femmes sont fières. Dans la ligne rouge, on est solidaires. Et de l'an plus tard, les femmes sont fières. Écoutez la quelle heure ça vaut. Écoutez gronder leur colère. Écoutez la quelle heure ça vaut. C'est la grève des sardinières. À nous pardonner, et depuis ce temps, rien ne sera plus jamais comme avant. À nous pardonner, et depuis ce temps, rien ne sera plus jamais comme avant. Écoutez, bruit leur sabot, c'en est fini de leur colère. Écoutez, bruit leur sabot, c'est la victoire des sardinières. Je n'avais pas les mêmes paroles, j'avais pas les mêmes paroles.